je me suis étonnée. Mais demain, je ne sais plus où aller. Comme de rien, je continue d'avancer. C'est certain, tout va s'estomper. C'est une autre histoire où l'on découvre les mots, les lignes sans fin. Se voir dans un miroir et chercher de quoi sera fait. De quoi sera fait.